Après le gros renouvellement de la semaine dernière, c'est donc assez logique qu'on ait peu de nouveautés ce soir, et la seule nouveauté se trouve dans l'aspect française. Le groupe de death metal bien crassou, Venefiction, ils sortent leur nouvel F1 studio Aside From Below, une sortie Iron Bonehead Production. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Venefiction? Eh ben, le groupe existe depuis 2013. Jusque-là, on a eu des splits, des EP. Ah, c'est leur premier véritable album longue durée. Comme j'ai dit, du death crasseux bien old school avec des relents trash et même black. Ça dégouline et c'est bien coolos, voilà ce que nous proposent les Bretons de Venefiction. Et en doublette avec eux, Godfather, autre formation stoner rock, desert rock. C'est bien solide, c'est plutôt énergique, hein, c'est vraiment le côté rock'n'roll bien burné. Et vocalement, et ben c'est surtout là qu'on attend ces formations où ça articule, et ben ma foi on n'a pas l'accent franchouillard un peu trop dégueu. Donc voilà, Godfather ça s'écoute vraiment très très bien. Monster Truck c'est le nom de leur nouvel effort studio. On va s'écouter le titre Blood for My Brothers, et donc Venefiction, on va s'écouter le morceau Ways of the Netherworld. C'est parti. souci de confort. Pour le reste de la diff, et ben Vortex of End n'est pas dans une doublette. Voilà, le titre n'est pas forcément long, mais c'est juste qu'en fait on n'avait pas de quoi faire une doublette autour de Vortex of End. Voilà, quatrième album pour le groupe de Black Death français, toujours ultra solide, c'est violent, c'est pesant, et bah, c'est magnifiquement bien joué. Abhorrent Fervor, c'est le nom de ce nouvel effort studio, déjà sorti chez Osmos Productions, et on va s'écouter le titre Perdition World Vortex of End. Et on va déjà se clôturer l'aspect française avec une dernière doublette. Tout d'abord, meurt One Man Band d'un ex-tourangeau, Nox, qui a officié dans Ostium, dans Hecat et dans son autre projet personnel, Ain. Il nous sort là meurt, donc on est sur un groupe, enfin un projet, Power Violence, Grindcore, Noisy. Premier EP intitulé Rapture, c'est mortellement efficace, c'est ultra violent, c'est déchiré et déchirant. Death Denial et Euphoria, c'est la doublette qu'on va s'écouter dans la doublette. Et ensuite Iron Lizard, très bon groupe de hard and roll bien speedouille. Hungry for Action, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et on va s'écouter simplement le titre éponyme du groupe, Iron Lizards. C'est parti. I will take the blood upon you. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Béton sur les ondes du 93.6. On approche tout doucettement de la fin de cette émission Hellbanger. Après avoir clôturé l'aspect française, on réattaque avec la diff internationale. Tout d'abord, Creeping Death, groupe de death hardcore venu du Texas. Dans les inspirations, on retrouve forcément Xibalba ou autre Get Creeper. C'est massif, c'est un EP 6 titres, 3 anciens morceaux et 3 nouveaux. Creeping Death, voilà, c'est déjà disponible. The Edge of Existence, le nom de cette EP. Et dans la foulée, Vague Fluxter, là on est sur une sortie de black allemand. C'est ultra riche comme black metal. Ce 6ème L4 Studio réunit de l'atmo, du mélo, du folk. Dans les références, on peut citer Imperium Decadence et encore Wolves in the Throne Room. Chanté en allemand, agrémenté de quelques passages en chant clair. C'est une version édite pour le titre de ce soir qui dépasse les 10 minutes. On va s'en écouter entre 7 minutes, 7 minutes 30. Dawam, c'est le nom de ce nouvel effort studio déjà dispo chez Art of Propaganda Records. On va s'écouter le titre Am Tatzelwurm. Et juste avant ça, Creeping Death, c'est le titre Humanity Trescent. C'est parti. We'll be right back. Pour attaquer le dernier quart d'heure de l'émission d'aujourd'hui, on va donc retrouver Paradox. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Paradox? Eh bien, huitième album studio pour le vieux groupe de Power Trash Track 1, 2, 3. Vieux groupe de Power Trash Tech Speed. Venu d'Allemagne, voilà, quand on prend le temps, on irait tout de suite beaucoup mieux. C'est un gros clin d'œil à leur album Hérésie, qui était sorti en 1990. C'est plutôt copieux ce que nous propose Paradox, hein, 70 minutes de musique avec ce nouvel effort studio. Hérésie 2, End of a Legend, une sortie sur le label FM Records. Et en doublette avec Paradox, eh bien, ma foi, la très bonne sortie mensuelle, une fois de plus, de 20 Buckspin Records, Hatchway et Bilis. On est sur du death canadien, ce premier effort studio fait suite à un EP sorti l'année dernière. On est sur du death assez tech et bien brutal, avec un petit côté blackening dissonant qui rajoute du piment à l'ensemble de la musique de Hatchway et Bilis. Apex Sapiens, c'est le nom de leur premier effort studio longue durée. The Visitors, c'est le titre pour Paradox. Hymn of the Flies, le titre de Hatchway et Bilis. Et c'est parti. We'll be right back. Allez, avant-dernière doublette pour l'émission Hellbanger d'aujourd'hui, Lang et Kryptos, qu'est-ce que ça a de spécifique cette doublette? Bon, au-delà que c'est de la zik de qualité, c'est tout simplement une doublette asiatique. C'est suffisamment peu commun pour qu'on puisse le souligner. Lang, tout d'abord, récente formation de black metal venue de Taïwan. Ils sortent là leur second album studio, un black metal assez moderne au niveau de l'approche sonore. C'est cependant original, tout à la fois atmosphérique, un petit peu folk, folk bien sûr asiatique, puisqu'on retrouve des instrus traditionnels, et les textes sont chantés en mandarin. Kryptos, ensuite, on est sur du heavy thrash venu d'Inde. Le groupe est un peu plus ancien, originaire depuis les années fin des années 90, 1998 pour être exact. Tendance bien old school, dégoulinant les années 80, dans le visuel, dans le son et dans les compos. C'est frontal, même si c'est pas bien neuf. Et puis bah, ça s'écoute très très bien, ma foi, Kryptos. Lahang, tout d'abord, avec le morceau Zaiyan Zong, extrait de leur second effort studio, donc Xinteng. Kryptos, ensuite, avec le morceau Night Hawk, extrait de leur nouvel effort studio, Force of Danger. We'll be right back. Se quitter donc sans aucune douceur avec Occult, la sortie très très très très bonne sortie venue des États-Unis. Alors là on est sur alors autant tout à l'heure ça dégoulinait un peu le death caverneux, là on est vraiment sur du putrid death bien dégueulasse d'inspiration Incantation ou autre Ender Gang, récente formation qui a vu le jour en 2019. Encore une excellente pépite dégotée par Everlasting Spew Records, Creputation of Phlegethon, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Et on va se quitter avec le titre Death of Ratiocination Occult pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Et sur ce, bonne fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain. Ciao, on sera en direct.